Mais putain, qu'est-ce que t'as des leçons de morale à donner? Toi, t'es tellement supérieur pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, quoi. Hein? Pourquoi t'es jamais de mon côté? Pourquoi t'es toujours du côté des enculés d'abord? Attends, de quel enculé tu parles, putain? Si t'étais allé à l'école, tu serais la haine à tirer. Attends, la haine à tirer, la haine. Mais j'ai pas été à l'école, quoi? Moi, je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Du Wu-Tang, personne qui blaste ma musique de la jeune. Cherche pas la faille.